vous êtes là? Bon ben je suis là aussi, j'espère que tout va bien. Il est 20h passé de 2 minutes, c'est la saga des Fab Four numéro 609. J'ai oublié, j'ai la playlist hein, mais quelque part dans le fouillis. Okay. On communique ça tout à l'heure. On se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. A tout de suite. L'album de la semaine de cette saga, c'est l'album Traveling Wilburys Volume 1, sorti en 1988. Je vous propose dès le début, le Super 45 Tours, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est la version longue de Handle With Care, sur RIG bien sûr. Traveling Wilburys, c'est un super groupe anglo-américain actif de la fin des années 80 au début de la décennie 90. Composé par Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne et Roy Orbison. Le batteur Jim Keltner fut surnommé le sixième Wilbury. Après un premier album au succès international, The Traveling Wilburys Volume 1, celui qu'on va écouter ce soir, comprenant le hit que l'on vient d'entendre, Handle With Care, le groupe est affecté par la mort de Roy Orbison à la fin de l'année 1988, mais publie néanmoins une deuxième œuvre intitulée Traveling Wilbury Volume 3, ça c'est de l'humour anglais, on saute le volume 2. Des projets de tournée voient le jour, mais ils ne se réalisent pas et le groupe cessera toute activité en 1991. John Lennon en 1971, Give Me Some Truth. À noter que cette chanson avait été étudiée, vous comprenez ce que je veux dire, avait été exercée du temps des Beatles en 1970. Si vous regardez le documentaire Let It Be, là, comme il s'appelle, Come Together, hein, bon, eh bien, vous avez les Beatles en train d'essayer de faire cette chanson-là. Et ça n'apparaîtra qu'en 1971 sur l'album Imagine. Alors tout à l'heure, j'ai été un peu pris par le temps, j'ai pas eu le temps de vous donner l'ambiance. Les chansons que nous allons entendre extraites de l'album Traveling Wilbury Volume 1, sorti en 1988, c'est Handle With Care, c'est fait, Heading For The Light, dans pas très longtemps, End Of The Line, Maxine, et le dernier ce sera Last Night. Il y aura également du Lennon que l'on vient d'entendre, du Ringo Starr, Husbands and Wives, j'adore ce titre, de Goodnight Vienna en 1974. Paul McCartney nous chantera Dear Boy sur Ram en 71. Vous savez, la chanson à étage. sur laquelle la voix est plus importante quelque part que la musique. C'est un truc extraordinaire. Quant aux Beatles, ce sera le premier disque, la première chanson du premier disque des Beatles en 1963, I Saw Her Standing There. Pour l'instant, on s'accroche à notre programmation et je vous propose Husbands and Wives par Ringo Starr, une excellente chanson qui colle bien au timbre, une chanson triste, mais qui colle bien au timbre de Ringo Starr. Et c'est sur RIG 90.7, la radio des Beatles. Two broken hearts, lonely looking like houses where nobody lives. Two people each having so much pride inside, neither side forgives. The angry words spoken. Such a waste of two lives. It's my belief pride is the chief cause in the decline in the number of husbands and wives. Two broken hearts, lonely looking like houses where nobody lives. Two people each having so much pride inside, neither side forgives. The angry words spoken in haste, such a waste of two lives. Oh, justement des Beatles qui vont arriver dans quelques instants avec I Saw Her Standing There. D'abord, nous avons écouté depuis le début de l'émission Handle With Care par les Traveling Wilburys, John Lennon, Give Me Some Truth sur Imagine, Ringo Starr, Husbands and Wives sur Goodnight Vienna et Paul McCartney à l'instant, Dear Boy sur Ram. Tout ça entre 71 et 88 si on prend l'album de la semaine et 63 dans quelques instants. Mais puisqu'on parle des Beatles, il y a au moins trois sites qu'il vous faut consulter. Tout d'abord le Maca Club. Maca Club, spécialiste de Maca, bien sûr, vous avez Maca McCartney. Vous avez absolument tout sur lui, des photos exclusives, parce que il y a des gens qui connaissent bien Paul McCartney chez Maca Club. Trouvez-le sur le site Maca Club ou même sur Facebook, c'est pareil. Et puis sur un autre, c'est le yellowsub.net, également un forum, c'est ce que je voulais dire quand je disais le site Maca Club, un forum sur lequel on peut parler des Beatles et bien entendu de Paul McCartney si on le souhaite, surtout qu'il est d'actualité, puisqu'il sera en concert le 4 et 5 décembre. Et vous retrouvez également yellowsub.net sur Facebook. Mais il y a un site qui, lui, est international parce qu'elle est anglaise. Et c'est le site de Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita, vous allez me dire. Mais je vous réponds. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur BeatlesMagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde. C'est BeatlesMagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. George Martin, son idée, le producteur donc, son idée était de faire un album un peu comme si ils étaient au Cavern Club, donc un peu comme si c'était un live, d'où le 1, 2, 3, 4, et puis le début de I Saw Her Standing There, et puis quand on commence un show, on essaie de mettre un truc bien à fond, de façon à ce que ça mette l'ambiance tout de suite. Et ça marche avec I Saw Her Standing There. Ils avaient déjà des tas de chansons prêtes à chanter, et c'est un premier album réussi. Les Beatles, en 1963. Ils avaient sorti Love Me Do en octobre 1962, d'où l'émission qui fait un panning entre octobre 1962 et puis maintenant, s'il se passe quelque chose, on commence en octobre 62. Alors quelquefois, j'ai fait des digressions, quelquefois, je suis allé un petit peu avant, au moment où ils étaient aux cavernes, par exemple, ça m'est arrivé. Mais pas trop souvent quand même, voilà. J'espère que vous allez bien, hein. Si tout se passe bien, c'est la saga numéro 609, je l'ai dit. Et l'album de la semaine, c'est les Traveling Wilburys volume 1, sorti en 88. Voici un nouvel extrait, Heading for the Light, sur RIG. Traveling Wilburys. L'histoire de ce groupe, eh bien, en 1988, George Harrison demande à Bob Dylan d'utiliser son studio à Malibu pour enregistrer une chanson, Handle With Care, qui doit apparaître en face B de This Is Love, tirée de son album solo Cloud 9. Il amène Roy Orbison et Jeff Lynne, avec qui il déjeunait ce jour-là. Dylan et Tom Petty, présents eux aussi, se joignent à la séance qui tourne à la fête. Ainsi, les Traveling Wilburys voient le jour. À l'origine, Tom Petty n'était pas censé faire partie du groupe, mais George Harrison, ayant oublié sa guitare chez lui, l'invita à se joindre à eux quand il alla récupérer celle-ci. Handle With Care fut détourné de sa destination originelle, pour laquelle les producteurs l'ont jugé trop précieuse pour une face B, et devient la première chanson d'un album écrit par les 5 musiciens et enregistré en 10 jours chez Dave Stewart. Cet album, Traveling Wilburys Volume 1, j'allais dire Volume 1, oui ça marche aussi, sort en octobre 1988. Chacun des partenaires apparaît sous un pseudonyme, tous étant censés être des demi-frères de la famille Wilbury. La vidéo correspondante arrive également sur MTV sans la moindre mention de leurs identités réelles et avec un suspense visuel habilement ménagé, ce qui suscite aussitôt des interrogations. L'effacement voulu des égos pour servir la musique elle-même crée un engouement inattendu et l'album, pensé au départ comme une simple fête collective, se vend à 5 millions d'exemplaires. Il se classe dans le top 100 des meilleurs albums des années 80. Un second album est immédiatement mis en chantier. Malgré la mort de Roy Orbison en décembre 88, les 4 membres restants poursuivent leur collaboration et le deuxième album, intitulé à dessein Traveling Wilburys Volume 3, paraît en octobre 90. Son succès est cependant moindre que le premier album. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette discographie très légère, malheureusement, de Traveling Wilbury, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai que ça aurait été bien qu'il continue. Et on va continuer, nous, la saga des Fab Four, en vous prouvant que nous sommes une radio de proximité à RJ 90.7, parce que on voit sur l'ordinateur qu'il y a un nouvel auditeur, il s'appelle Fabrice, et je lui envoie un bonjour fraternel de la part de Thierry Gallet, l'animateur de la saga des Fab Four depuis 40 ans. George Harrison, on le connaît bien ici, on lui consacre souvent des sagas, donc je t'invite à écouter la saga des Fab Four. Il y a toujours du George Harrison dedans, et ses meilleurs titres à chaque fois. D'ailleurs, on le retrouve avec les Beatles en 1963 sur leur deuxième album, sa première chanson officielle en solo, dans laquelle il chante, pas un instrumental, voilà. C'est Don't Bother Me sur RIG. Radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman.

je compte sur vous là. C'est 3 ans plus tard, 1976, CD Love Songs. On avait dit à Paul, tu crois pas que t'en as pas marre un peu de faire des chansons d'amour débiles? Eh bien, il en a fait un hit. l'attaque est gentille, mais directe. Les paroles, c'est... Tu dis que le monde en a marre d'entendre ces stupides chansons d'amour. Je regarde autour de moi et je me rends compte que c'est pas du tout le cas. Alors, s'il y a des gens qui ont envie de faire des stupides chansons d'amour, quel mal y a-t-il à ça? Voilà, les paroles. C'est bien quand même. On revient à l'album de la semaine, l'album Traveling Wilburys, volume 1, sorti en 1988. Et là, le leader de cette chanson-là, c'est Roy Orbison qui pousse la chansonnette avec son style inimitable. C'est une chanson qui a été en grande partie créée par Jeff Lynne, même si tous les Traveling Wilburys sont crédités sur cette chanson-là. D'ailleurs, c'était le principe, il n'y a pas d'ego, on signe tous pareil, et puis quel que soit le créateur. Mais on finit par le savoir quand même. Donc, une chanson en hommage au style, Jeff Lynne sait faire ça, au style de Roy Orbison, et une très belle chanson, You're Not Alone Anymore, sur RIG, dans la saga des Fab Four numéro 609. Retournons du côté des Beatles en 1964 et pour éviter les jaloux, en 1965. D'abord avec I Should Have Known Better sur l'album A Hard Day's Night et ce sera suivi par Another Girl sur Help en 1965.

laquelle je la passe pas très souvent, ben c'est pas la meilleure de l'album, quoi. Voilà, si on peut dire. Hein. Bon, mais enfin, bon, c'est du Ringo Starr en 1983, avec une photo de Ringo tout jeune. Et pourtant, l'album s'appelle Vieille Vague. Comme s'il était âgé à cette époque-là, en 83. Il avait 43 ans, c'est tout jeune. Allez, on n'a pas écouté de John Lennon depuis un petit moment. Le voici sur RIG. 1973, l'album Mind Games et cette chanson, You Are Here. Vous êtes ici, là, là où je mets le doigt. Pour vous dire que dans moins d'une heure, écoutez bien, un événement. Eric et son émission Johnny de A à Z, enfin de retour pour la saison 2024-2025. Ça va dépoter, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'il est à bloc, que tout va très bien et qu'il va adorer être de retour. Cette semaine, il va vous parler de la collection des archives de Johnny Hallyday. À mon avis, c'est quelque chose qu'il faut écouter. Parlez-en autour de vous. Ce sera ce soir à partir de 22h02 ou 3, peut-être. Les Traveling Wilburys, End of the Line sur RIG. toujours extrait de Traveling Wilburys 88. Well, it's all... que le groupe se soit arrêté parce qu'à 4, quand ils ont fait le deuxième album, eh bien, ils auraient pu continuer tout en faisant leur carrière solo, bien entendu, hein, pas de problème. Ça aurait été le moment, une fois par an peut-être, ou une fois tous les deux ans, de se rassembler et puis de faire un petit disque juste entre copains pour rigoler, et puis qui serait bien vendu parce que c'était une sommité de talent quand même. Hein. Je vous rappelle Bob Dylan, Jeff Lynne, George Harrison bien sûr. Il y a eu Roy Orbison sur le premier album. Et est-ce que j'ai dit Tom Petty? Je sais plus. Bon, remettez tout dans l'ordre, ils étaient cinq. Voilà. C'est le moment de la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou en solo. Et cette chanson-là est reprise par quelqu'un qui peut être connu ou pas. Ça pourrait être vous, si vous m'envoyez la chanson. On en a passé il n'y a pas longtemps. Cette chanson, même si eux-mêmes faisaient la cover de leur père, comme Chuck Berry, par exemple, comme on veut. Eh bien, cette fois-ci, c'est une bande originale de film qui est sortie il y a un paquet d'années déjà, puisque, si je me souviens bien, c'était en 1994, la bande originale de Backbeat, avec un sacré groupe qui se formait pour l'occasion. Ils s'appellent les Backbeat Band. Ils n'ont pas cherché très loin le nom du groupe. Et écoutez leur version vitaminée de Slow Down sur RIG. one I love to last. Si on traduit littéralement, mais on pourrait le traduire pour plus cru. Le groupe a enregistré 15 chansons en 3 jours seulement. Et le groupe, écoutez bien, il y avait Dave... Alors, je suis désolé si je ne prononce pas les noms, pas bien les noms, parce que je ne les connais pas vraiment, sauf un ou deux. Dave Pirner, de Soul Asylum. Il y avait Greg Dulley, de The Afghan Whigs. Il y avait Thurston Moore, de Sonic Youth, à la guitare. Les autres étaient aux voix. Un autre à la guitare, Don Fleming de Gumballs. Il y avait Mike Mills de REM à la basse. Et à la batterie, ni plus ni moins que Dave Grohl, qui à cette époque-là faisait partie du groupe Nirvana. Donc du bon, du tatoué, du dur. Et ça se sent, et ça s'entend en tout cas. La chanson suivante, vous savez, c'est le ressemblant à ou le fils ou les filles, pourquoi pas, de quelqu'un de connu, d'un des quatre notamment. Eh bien là, c'est le fils de George Harrison, Danny Harrison, qui nous propose sur en 2019 un single. La chanson s'appelle Motorways Erase It. La voici. C'est curieux, mais c'est du Danny Harrison. And all those dreams. sur RIG90.7 ou www.rigfm.fr. C'est la saga des Fab Four numéro 609 consacrée à l'album Traveling Wilburys Volume 1 de George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, et les deux autres. Je sais plus, il faudrait que je les note au lieu de le dire comme ça de tête. Et bref, dans presque 40 minutes, ce sera enfin le retour de l'incroyable Eric et son émission Johnny de A à Z. Et il vous parlera des archives de Johnny Hallyday. Ça va être très, très, très intéressant. Donc soyez là à partir de 22h et une petite virgule peut-être, si jamais, on ne sait jamais. Allez, voici Ringo Starr sur RG dans un très bon album de 98. L'album s'appelle Vertical Man et le titre du morceau, c'est le même, c'est l'éponyme Vertical Man sur RG. Ben moi, j'aime beaucoup ça. Voilà. Allez, avant-dernier extrait de l'album de la semaine, l'album Traveling Wilburys, voici Maxine sur RIG. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1966 sur l'album Revolver, Tomorrow Never Knows. La phrase, d'abord la phrase, le titre Tomorrow Never Knows date de Ringo Starr qui s'amuse, enfin qui de temps en temps a des fulgurances comme ça. Tomorrow Never Knows, demain ne sait jamais. Eh bien John Lennon a dit ah, je prends et puis je garde. Et cette chanson complètement psychédélique est fabuleuse et la phrase que je préfère sur cette chanson-là, c'est « Listen to the color of your dream ». Écoute la couleur de ton rêve. C'est du grand n'importe quoi, mais c'est poétique quand même. Voici le dernier extrait de l'album de la semaine. Et le titre, c'est « Last Night » sur RIG. Thinking about last night.

sera un Ringo Starr. Alors habituellement je finis avec une pêche d'enfer. Là ça va être plus calme, mais c'est drôlement bien. Sur l'album Time Takes Time en 1992, Ringo Starr nous chante What Goes Around, une chanson qui sonne Beatles, mais qui n'est pas du Beatles. de 22h02, 22h03. Je crois qu'on est à peu près dans... Excuse-moi Eric, mais c'était trop bien ce dernier Ringo Starr, donc je ne pouvais pas le couper décemment, c'était pas gentil. Bonne rentrée Eric, on est tous très très contents de te revoir, ça fait plaisir, il est beau, il est bronzé, tout va bien. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. À très très bientôt, salut, merci à toutes et à tous. C'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four numéro 609. À très bientôt.